Déserts et océans. Le Sahara. Le Sahara qui s'étend du Nil à l'océan Atlantique sur plus de 9 millions de kilomètres, à peu de choses près la superficie de l'Europe, est le plus grand désert du globe. Mais jadis, c'était un pays couvert de pâturages et de plaines fertiles. En 1850, Barthes y découvrit des gravures rupestres représentant des troupeaux de bétail dessinés par ses anciens habitants. Les animaux représentés n'y existent plus et beaucoup d'espèces figurant sur les fresques du Hoggar, du Tassili et d'ailleurs ont disparu. On assure que l'Erque saharien abritait alors d'importants groupes humains au cœur de vastes forêts et de riches prairies. Un outillage néolithique, des vases et des armes de pierre polie, fut découvert près des gravures. La population y était très dense, nous dit Flin, et le bétail paissait sur des terres où s'étend aujourd'hui une quantité incommensurable de dunes. On a avancé plusieurs hypothèses pour expliquer la prodigieuse accumulation de sable qui s'y trouve. La théorie de l'origine marine n'est plus soutenable. En effet, on a constaté que ces sables sont de formation récente et l'on admet qu'au moment où les glaces recouvraient une grande partie de l'Europe, le Sahara se trouvait dans une zone tempérée, chaude et humide. Plus tard, le sol perdit son humidité, et ses roches à la merci du soleil et du vent se réduisirent en poudre. À quelle époque les circonstances y furent-elles favorables à la vie humaine? Mohler, le célèbre orientaliste du 19e siècle, auteur d'ouvrages traitant des civilisations sémitanciennes, déclare que les gravures rupestres sont l'œuvre des Phéniciens. D'autres ont fait remarquer que sur les graffitis relevés par Barthes, les bestiaux portent des disques entre leurs cornes, comme ceux des bas-reliefs de l'Égypte pharaonique, le dieu Seth semble y être représenté, et l'on peut voir des peintures montrant des chars de guerre tirés par des chevaux dans une région où ces animaux ne pourraient pas vivre deux jours, sans que ne soient prises d'extraordinaires précautions. Les espèces éteintes sur ces fresques laissent supposer qu'elles furent gravées au cours de la période glaciaire, mais les motifs égyptiens qui y sont incorporés indiquent qu'elles datent des temps historiques. Les contradictions entre les témoignages historiques et paléontologiques seraient réglées en faisant intervenir une, ou plus précisément deux catastrophes. L'ethnologue français André Berthelot écrivait en 1924, « Il est possible qu'à l'âge de pierre, l'homme ait assisté en Afrique à trois événements d'une ampleur considérable, l'écroulement partiel de la chaîne bétique, qui ouvrit le détroit de Gibraltar, et fit communiquer la Méditerranée avec l'Atlantique, l'effondrement qui a isolé les Canaries du continent africain, l'ouverture du détroit de Babel également dépecé par en Arabie de l'Éthiopie. L'abbé Breuil devait confirmer les présomptions de Berthelot quant à la présence humaine à l'époque préhistorique grâce au matériel éolithique, s'il est plus ou moins grossièrement taillé, trouvé in situ. Mais il n'y a pas si longtemps, des populations plus évoluées, contemporaines de l'Égypte pharaonique et vivant en communauté, y faisaient paître leur bétail et employaient un outillage qu'elles laissèrent sur place. En fait, les bouleversements auxquels Berthelot faisait allusion, souvent mentionnés dans la littérature classique, et dont parlent de nombreuses traditions, se produisirent bien plus tard qu'il ne le pensait. En basculant les contreforts de l'Atlas, le cataclysme en question vida de ses eaux l'immense mer intérieure, qui occupait alors la majeure partie du sud algérien, le fameux lac Triton des anciens. Les hippopotames et les crocodiles disparurent comme les éléphants et, avec eux, les chasseurs et les pasteurs. Le pays de prairies et de forêts devint ce désert de sable, vaste et inhospitalier qu'est le Sahara. L'Arabie est une certitude qui défie la tradition, lorsque la couche de glace de la dernière période glaciaire recouvrait une grande partie de l'hémisphère nord, trois cours d'eau au moins traversés d'ouest en est, toute la largeur de la péninsule. Tels sont les termes employés par Philby dans son livre Arabia. Il existait également en Arabie un lac très important qui disparut au cours d'une modification géologique ou climatique. Actuellement, de Palmyre à la Mecque et au-delà, la péninsule arabique est un désert sans eau, parsemé de volcans éteints dont la dernière éruption remonte à 1253. Ces nombreux geysers, jadis actifs, sont maintenant taris. On trouve principalement dans sa moitié occidentale 28 étendues couvertes d'une telle densité de cailloux brisés et noircis qu'ils s'opposent à tout passage. On appelle ces jonchées des baras ou des rocs. Certaines s'étendent sur près de 200 km et occupent une superficie de 15 à 18,0 km2. 5.1. Aucune éruption volcanique ne serait capable de déposer autant de pierres sur des espaces aussi vastes, ni de les répartir aussi régulièrement. En outre, l'absence de lave, chacune d'elles sont séparées les unes des autres, exclut leur origine volcanique. Il s'avère qu'elles ont été calcinées en pénétrant dans l'atmosphère et rompues pendant leur chute, comme les bolides, ou au moment de leur impact avec le sol. Les quantités répandues sur un sol, ARA montrent que ces essaims de météorites étaient très denses et faisaient partie de noyaux cométaires. En dépit de leur exposition successive à la chaleur solaire, et au froid nocturne ainsi qu'à l'érosion éolienne, les arêtes sont restées coupantes, ce qui prouve qu'elles sont là depuis peu de temps. Deux sortes de météorites atteignent la Terre, les premières sont constituées d'un mélange de fer à l'état natif, et de nickel dont la cristallisation caractéristique permet de les reconnaître aisément. Les autres, beaucoup plus fréquentes, se distinguent difficilement des minéraux connus, sauf si l'on a constaté leur chute, ou si leur profusion, leur aspect brûlé et leur cassure nette plaident en faveur d'une origine extraterrestre. Il existe d'ailleurs en Arabie des blocs plus gros que les pierres d'Ir. On a trouvé en plein désert, près de Vobar, un cratère météoritique entouré de débris de fer et de verre siliceux. Les grands cours d'eau disparus, les nombreux volcans autrefois actifs maintenant éteints, les pierres noires s'y tombaient assez abondamment, pour couvrir des territoires 100 fois plus vastes que ceux recouverts par une simple éruption volcanique, les particules de fer météoritique dispersées autour d'énormes cratères font partie des informations, nous renseignant sur les grands bouleversements cosmiques, qui se sont déroulés à des époques récentes. Comme à des époques antérieures, et auxquelles la péninsule arabique s'est trouvée plus d'une fois soumise. Des ruines anciennes, presque entièrement effacées par le temps et les éléments, ainsi que des vestiges de cultures agricoles, sont les témoins des temps où la terre y était hospitalière et féconde, elle était aussi généreusement irriguée et boisée, que les régions de l'Inde sous la même latitude. Les vergers de la Dramaoué du Yémen étaient paradisiaques. Pourtant cette contrée fertile qualifiée d'heureuse, se transforma soudain en pays stérile. La partie nord-occidentale du désert, ou Arabie pétrée, dont le sol est constitué de lave poussiéreuse, est traversée par le grand fossé tectonique du Gore au fond duquel s'étend la mer morte, le bitume affleure à la surface de ce lac intérieur, point de convergence du réseau hydrographique local, riche en eau sulfureuse. D'autres zones désertiques ont été autrefois cultivées et habitées, on a retrouvé sur celle de Gobi, comme sur le plateau tibétain, les traces de civilisations prospères, mais aujourd'hui perdues à jamais, et les mines qui en témoignent. Tous ces espaces arides donnent l'impression qu'à la suite d'un grand bouleversement, les eaux s'infiltrèrent très profondément et disparurent, les sources s'obstruèrent et les rivières se tarirent. Les modifications apportées aux nappes phréatiques, ou à la structure du sol affectent aussi les nuages qui passent alors, au-dessus des terres sans y décharger leur eau. Les baies de la Caroline, les dépressions connues sous l'appellation de baies, sont abondantes sur la côte américaine de la Caroline, et un peu moins nombreuses sur la plaine littorale, qui s'étend depuis le sud du New Jersey jusqu'au nord-est de la Floride, selon la plus récente estimation, elles doivent atteindre le nombre de 500 000. Des mesures faites entre Darlington et l'océan montrent que la plupart font environ 650 mètres de long, et que certaines dépassent 2500 mètres. Chose remarquable, leurs grands axes sont dirigés du nord-ouest au sud-est, et la précision de ce parallélisme est frappante. Elles ont des rebords de terre invariablement plus élevés à l'extrémité sud-est. Ces cuvettes elliptiques se distinguent très bien, sur les photographies aériennes. Toute théorie visant à expliquer leur origine, doit tenir compte de leur forme, de leur ovalisation, qui augmente avec leur taille, de leur parallélisme et de la surélévation de leurs extrémités sud-est. En 1933, Melton et Shrivey de l'Université d'Oklahoma, publièrent une thèse susceptible de résoudre le problème, les baies seraient les cicatrices laissées par une pluie d'aérolithes ou la traîne d'une comète. Depuis, la majorité des auteurs traitant de la question s'est rangée à cet avis. Les deux chercheurs poursuivent, puisque l'origine des baies ne peut s'expliquer par un processus géologique connu, il faut admettre qu'elle résulte d'un fait extraordinaire, la forme elliptique, le parallélisme des axes, et la disposition systématique des bords relevés l'exige. La comète, ou la pluie de météorites, a dû suivre une trajectoire dirigée vers le sud-est, des masses cosmiques provenant du nord-ouest, auraient alors donné aux grands axes des belles orientations constatées. On estime que le cataclysme eut lieu à un moment quelconque de l'ère glaciaire. Elles sont presque complètement remplies de vases, et de sable déposé pendant que les plateformes continentales créées par l'érosion marine du Pléistocène étaient sous les eaux. Il se peut que les aérolithes aient eu à traverser une couche d'eau peu profonde avant d'entrer en collision avec le fond, néanmoins elles ont dû arriver en force pour envahir toute la région comprise entre la Floride et le New Jersey. Pourtant, certains critiques les font remonter à une époque plus récente. Quoi qu'il en soit, ces cratères ont vraisemblablement été produits par des météorites qui ont atteint le sol de plein fouet ou par un corps céleste qui, en explosant à basse altitude, aurait provoqué de nombreuses dépressions. On a de bonnes raisons de croire que ces baies se prolongent assez loin vers le large. D'autre part, des multitudes de météorites ont été inventoriées au sud des Appalaches, en Virginie, en Caroline du Nord et du Sud, en Géorgie comme sur les territoires de l'Alabama, du Kentucky et du Tennessee. Le fond de l'Atlantique, le professeur Ewing de l'Université de Columbia, a publié le rapport d'une exploration sous-marine consacrée à l'étude de la ligne médiane atlantique, cette chaîne montagneuse à mi-chemin entre les deux Amériques, et la masse continentale euro-africaine, qui suit approximativement le dessin des côtes. Les parties du fond océanique à droite et à gauche de ce plissement, révèlent une série de faits qui sont autant de nouvelles énigmes scientifiques. La découverte de sable remontant à la préhistoire, sable que nous avons extrait au cours de deux sondages assez distants l'un de l'autre, effectués à des profondeurs de 3200 mètres et de 5600 mètres. En des points forts éloignés de toutes les plages actuelles, un de ces dépôts se trouve à 2,0 km du rivage le plus proche. Le sable est le résultat de la désagrégation des roches par l'érosion due à la mer, à la pluie, aux rivières, au vent et aux effets consécutifs des gels et des dégels. Les fosses abyssales jouissent d'une température constante, aucun courant ne s'y trouve, seul le silence et l'immobilité y règnent. En haute mer, les fonds sont recouverts d'une vase très fine, dont les particules peuvent rester longtemps en suspension avant de former un dépôt sédimentaire. Cette boue contient des carapaces d'animaux très petits, les foraminifères qui pullulent en surface. Par conséquent, et puisqu'ils se forment aux abords des îles, ou sur les socles continentaux, il ne devrait pas y avoir de sable loin des terres. Compte tenu de ce principe, le professeur Ewing se demanda, embarrassé, le lit de l'océan s'est-il considérablement enfoncé à un moment donné? Le niveau moyen de la mer, se tenait-il autrefois entre 3200 et 4800 mètres plus bas qu'aujourd'hui, et dans ce cas, d'où provient le volume d'eau supplémentaire? Ces deux éventualités ne sont guère plausibles. En géologie, on considère que la profondeur des mers n'a jamais varié, sauf quand les eaux ont envahi les légères dépressions continentales. Il n'était donc pas question d'admettre que le fond de l'océan ait jadis fait partie de la terre ferme. Mais une autre surprise attendait les membres de l'expédition qui se proposaient d'obtenir l'épaisseur des sédiments déposés dans les fosses océaniques grâce à un procédé acoustique bien au point. Après avoir provoqué une explosion en surface, on enregistre la différence du temps écoulé entre deux échos consécutifs répercutés premièrement par la partie supérieure du dépôt, et ensuite par le socle basaltique, ou granitique, sur lequel il repose. Nos instruments indiquaient nettement d'énormes couches sédimentaires sur les contreforts de la crête, mais, chose surprenante, celle des grands bassins plats situés de chaque côté du plissement, semblait avoir moins de 30 mètres. En fait, les échos revenaient presque simultanément. Dans ces conditions, il était difficile d'évaluer l'épaisseur du sédiment à 30 mètres près, car cette valeur correspond à la marge d'erreur normale. Nous avions toujours pensé qu'il devait être extrêmement épais, sachant qu'il s'accumule depuis des temps immémoriaux. Mais sur les cuvettes qui flanquent la médiane atlantique, les signaux renvoyés par la surface de la base et par son support rocheux se suivaient de trop près pour pouvoir mesurer le temps qui les séparait. Cela prouve que le sédiment mesure la moins de 30 mètres d'épaisseur. Cette étonnante constatation fait partie des nombreuses énigmes scientifiques rapportées par notre expédition. Elle tend à prouver que le fond de l'océan Atlantique, des deux côtés de la crête, est de formation récente. D'autre part, les couches sédimentaires sur ces contreforts ont par endroits des milliers de mètres d'épaisseur, comme nous nous y attendions. Les sédiments des fonds océaniques que nous avons mesurés sont constitués de coquilles et de squelettes d'innombrables animaux marins, de cendres volcaniques et de poussières continentales, de cendres de météorites et de poussières cosmiques qui se répandent constamment sur le globe. La poussière de météorite est tellement rare de nos jours qu'on en trouve difficilement sur les neiges éternelles des plus hautes cimes. Alors comment les cendres de météorites brûlées et les poussières cosmiques sont-elles arrivées à constituer une partie substantielle du sédiment océanique? Et pourquoi tous les autres matériaux, notamment les détritus charriés par les fleuves, n'ont-ils créé au cours des temps qu'une sédimentation d'une épaisseur si faible? Des flancs et des sommets de la crête, nous remontâmes des roches de type ignée, ayant subi l'action du feu, ce qui signifie que des volcans sous-marins en action ont libéré des flots de lave. Il est probable que toute la chaîne est très volcanique, sans doute formée de milliers de coulées de lave, et de cônes actifs dispersés sur toute sa longueur. Elle n'est pas unique en son genre, de nombreux pics d'origine volcanique sont dispersés sur toute l'étendue des fonds sous-marins atlantiques. Vers les Açores, l'expédition rencontra une montagne sous-marine non répertoriée sur les cartes, mesurant 2500 mètres de hauteur, et saupoudrée d'une profusion de cendres volcaniques, et plus loin une grande fosse semblant creusée par l'explosion d'un volcan, profonde de 3310 mètres. Les laves s'épanchèrent sous l'océan, et l'ont porté à ébullition, des météorites, des cendres et des poussières cosmiques tombèrent du ciel, la terre disparut sous des kilomètres d'eau, des plages s'enfoncèrent de près de 5000 mètres. Des abîmes, l'expédition remonta plusieurs rochers profondément entaillés, à 1100 mètres de profondeur, nous trouvâmes des roches fort édifiantes quant à l'histoire de l'océan Atlantique. Du granit et des roches sédimentaires qui, autrefois devaient faire partie d'un continent. La plupart étaient arrondies et marquées de stries très prononcées. Ces stries sont généralement attribuées aux glaciers, qui tenaient les rocs comme dans un étau, et les faisaient racler contre des aspérités plus dures qu'eux. Mais nous remontâmes également quelques échantillons de boue agglomérée si molle, et si peu consistante qu'elle se serait désagrégée sous l'étreinte rigoureuse d'un glacier. Comment sont-elles venues jusque-là? C'est une énigme supplémentaire, dont la solution nécessitera d'autres recherches. On savait que l'embouchure du fleuve Hudson près du port de New York se prolongeait par un canon qui pénètre dans l'océan sur environ 200 km, mais on s'est aperçu qu'il a continué encore pendant plus de 160 km en eau profonde. Si, à l'origine, cette vallée a été creusée dans la terre ferme par le fleuve, comme cela semble probable, on peut en déduire soit que le fond de l'océan se trouvait à 3200 mètres plus haut qu'actuellement, et qu'il s'est effondré depuis, soit que le niveau de la mer était au-dessous de celui qu'elle occupe à présent. Chacune de ces deux éventualités laisse supposer une véritable révolution tectonique. En résumé, les résultats démontrent sans conteste qu'à une époque relativement récente, il y avait de la terre ferme, un peu partout et des plages qui sont aujourd'hui sous l'Atlantique, et aussi qu'au cours de bouleversements gigantesques, le sol plongea à plusieurs kilomètres de profondeur. Si le responsable de l'expédition précédente n'emploie pas le mot bouleversement, c'est pourtant bien celui-là qui s'impose naturellement. Pour ne pas être taxé d'hérésie, Ewing se limita à une déclaration anodine, il n'y a pas lieu de croire que cette puissante masse montagneuse sous-marine ait le moindre rapport avec la légendaire Atlantide engloutie sous les vagues dont parle Platon. Le fond des mers en juillet 1947, un groupe de scientifiques quitta Göteborg à bord de l'Albatros pour un voyage de 15 mois autour du monde avec pour mission, l'étude des fonds marins sur 27 000 km à l'aide d'un nouveau sondeur pneumatique. Dans les sédiments recouvrant les fonds rocheux, leur chef, H. Peterson, directeur de l'Institut géographique de Göteborg, a relevé les traces des grands cataclysmes, qui ont altéré le relief de la Terre, des catastrophes climatiques entassèrent des milliers de pieds de glace sur les hautes latitudes continentales, simultanément, elles encombrèrent les basses latitudes océaniques d'icebergs et de banquises, refroidissant ainsi l'eau de surface jusqu'à l'équateur. Des catastrophes volcaniques répandirent sur la mer des pluies de cendres, les sédiments marins, nous l'avons vu, en conservent les preuves. Des catastrophes tectoniques abaissèrent ou soulevèrent les fonds océaniques de centaines voire de milliers de pieds, donnant naissance à de monstrueux rats de marée, qui détruisirent la vie animale et végétale sur les terres. Sur la côte suédoise par exemple comme ailleurs, il s'avéra que le fond de la mer était constitué par une couche de lave d'origine récente géologiquement, recouverte d'un léger vernis sédimentaire. Des sédiments des océans Pacifique et Indien, qui contenaient souvent des particules de matière ignée, montrèrent aussi l'importance du volcanisme sous-marin. Certains de nos prélèvements en Méditerranée attestent l'existence de couches à gros grains, faites en grande partie de cendres répandues à la suite de violentes explosions volcaniques. Ces couches représentent incontestablement la meilleure preuve de l'intense activité des volcans dans le passé. Les plateaux océaniques portent les traces de plusieurs catastrophes au cours desquelles leurs socles rocheux s'élevèrent ou s'abaissèrent au point de former des gouffres insondables, tandis que des vagues monstrueuses se jetaient à l'assaut des continents. Le fond des mers montre encore que notre Terre a reçu d'abondantes pluies de météorites. Il est en effet fréquemment revêtu d'argile rouge. Les carottages effectués, entre autres, au centre du Pacifique révèlent un pourcentage étonnamment élevé de nickel. Les échantillons prélevés renferment aussi du radium et des composés ferrugineux qui leur donnent cet aspect pourpré. On sait que le fer météorique se distingue du fer terrestre par le nickel qu'il contient. Cette caractéristique permet de savoir si certains outils métalliques, datant par exemple des pyramides, ont été fondus à partir de carbonate, oxyde et sulfure provenant des mines antiques, ou s'il s'agit de débris météoriques forgés, et par conséquent de les comparer. Note JDL, la Nouvelle-Calédonie possède le plus grand gisement de nickel de la planète, et cette ressource naturelle a été l'objet de la visite officielle de Jacques Chirac en juillet 2003, car il a lancé la construction d'une gigantesque usine d'exploitation, en moins forte proportion. À l'exception des gisements de Nouvelle-Calédonie, le nickel est un élément rare dans la plupart des roches terrestres, comme dans les sédiments continentaux, et presque inexistant dans l'eau des océans. En revanche, c'est l'un des principaux composants des météorites. On suppose donc que le nickel abyssal provient de la poussière de météorites, ou de très fortes chutes de météores d'antan. Le grand défaut de cette explication est d'exiger un taux d'accroissement de poussière de météorites bien plus important que celui qu'accepteraient les astronomes, dont les décomptes sont uniquement basés sur des observations faites à l'œil nu, ou avec un télescope. Mais, dans une publication ultérieure destinée à rappeler au grand public les résultats de son expédition, Peterson a écrit, « Si l'on admet que cette poussière contient en moyenne 2% de nickel, on peut approximativement calculer le taux d'accroissement de cette poussière sur le globe terrestre. » Il est extrêmement élevé, environ 10 000 tonnes par jour, soit plus de 1000 fois celui obtenu en comptant les étoiles filantes et en appréciant leur masse. En d'autres termes, il y a eu à une certaine époque, une ou plusieurs chutes de poussière météorique, dont la masse totale a dû être 1000 fois plus importante que celle déposée quotidiennement depuis le jour où les océans se sont formés. Les lavées et les cendres accumulées sur les fonds océaniques témoignent que des événements catastrophiques se sont déroulés au cours du passé très proche. Le fer et le nickel laissent clairement penser que de véritables pluies de météorites se sont abattues sur la Terre et permettent d'entrevoir la cause des ruptures de l'écorce terrestre, de l'effondrement du fond des mers et des épanchements de magma sous la surface des eaux. La preuve de ces grands bouleversements nous est donnée par les îles de l'océan Arctique et les toundras sibériennes, le sol de l'Alaska, le Spitzberg et le Groenland, les cavernes d'Angleterre, la forêt enfouie du Norfolk, les fissures du pays de Galles et des Cornouailles, les roches de France, des Alpes, du Jura, de Gibraltar et de Sicile, le Sahara et la Rivalet, l'Arabie et Sahara. Les pentes du Cachemire et les pics de l'Himalaya, les monts Siwali, l'Irrawaddy en Birmanie, les dépôts de Choukoutien et de Tien-Tsin en Chine, les Andes et l'Altiplano, les fosses d'asphalte en Californie, les montagnes rocheuses et le plateau de Columbia, la grotte de Cumberland au Maryland, et la carrière d'Agate Spring au Nebraska, les collines du Michigan et du Vermont. Sur lesquelles on a trouvé des squelettes de baleines, le littoral de la Caroline. Les côtes submergées et le fond de l'Atlantique avec sa crête médiane, les couches de lave du Pacifique. Dans les chapitres suivants, nous allons étudier en détail d'autres sites répartis sur le globe, mais nous n'en finirons pas pour autant, car il n'y a pas un endroit de la Terre qui ne porte pas les cicatrices de ces grands bouleversements répétés.